بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le cours d'aujourd'hui, il va être un peu plus long d'habitude, ou alors on va aborder le sujet en deux cours, inshallah ta'ala, parce qu'il y a quelques ambiguïtés à aborder, les ambiguïtés des takfiris sur lesquelles on va répliquer inshallah ta'ala. Donc toujours dans l'explication des annulatifs de l'islam, aujourd'hui on verra le huitième annulatif. Donc le cheikh l'imam Mohammed Ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il nous dit al-thamin, le huitième. Donc le huitième annulatif, mudaharatul mushrikin wa mu'awanatuhum ala al-muslimin, le fait de soutenir les polythéistes et de les aider contre les musulmans. Et donc, ça, c'est de la mécréance. Et la preuve de cela est la parole d'Allah, le Très-Haut. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Celui d'entre vous qui les prend pour alliés, alors il fait partie des leurs. Certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Et donc concernant l'explication de ce sujet, il faut savoir que ce sujet fait partie des sujets dans lesquels les takfiriyoun se sont égarés. Ils ont pensé que toute personne qui va aider un incroyant ou qui va aimer un incroyant, alors cette personne va forcément sortir de l'islam. Et donc premièrement, il faut qu'on voit qu'est-ce qui est voulu par l'alliance. Allah nous dit « Wa man yatawallahu minkum » celui d'entre vous qui les prend pour alliés. Et donc, qu'est-ce qui est voulu par l'alliance? L'alliance, les savants nous disent, comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ils disent, l'alliance, c'est l'amour et le secours. Quand tu prends quelqu'un pour allié, donc tu l'aimes et tu le soutiens. Certains ignorants, ils ont donc pensé que toute personne qui aime un incroyant ou qui le secourt va sortir d'islam. Alors, regardons un peu ce que les textes de la législation nous montrent concernant ce sujet. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Al-Barawi rahimahullah, il nous dit dans son tafsir, ce qui est voulu par là, c'est-à-dire tu ne guides pas celui dont tu aimes sa guider. Tu ne guides pas celui dont tu aimes sa guider. Ou alors il fut dit aussi, tu ne guides pas celui que tu aimes personnellement par rapport à ta proximité avec lui. Et certains parmi les gens de science, parmi les mufassiroun, les exégètes, ils nous disent donc que ce verset a été révélé par la cause de Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait son oncle et il aimait la guider de son oncle. Il aimait son oncle et voulait que son oncle soit guidé. Et donc est-ce que toute personne qui aime un incroyant sort de l'islam? Non. Est-ce que les takfiriyoun ici ils vont nous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de l'islam? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit aussi, اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. Il nous dit, aujourd'hui les bonnes choses vous sont licites, ainsi que la nourriture de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Donc les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, leur nourriture nous est licite. Ainsi que votre nourriture leur est licite. Et les femmes chastes parmi les croyantes vous sont licites, ainsi que les femmes chastes parmi celles de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Donc les femmes juives et chrétiennes. Elles nous sont licites. Iza ataytumuhunna ujurahun, si vous leur donnez leur dot. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a légiféré, il nous a autorisé le mariage avec la femme chaste qui fait partie des gens du livre. Il nous a permis cela. Et certes, il est connu que l'homme, lorsqu'il va être avec son épouse, il y a entre eux de l'amour. Il y a de l'amour entre l'homme et son épouse. Et donc, si toute personne qui aimait un incroyant sortait de l'islam et devenait lui-même incroyant, alors il y aurait eu, dans ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis, quelque chose qui nous mène à l'incroyance. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous comprenez ça? Le fait que, est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala va nous autoriser, va nous permettre de faire ce qui par la suite peut nous faire sortir d'islam? Et donc c'est là qu'on comprend que ces takfiriyoun, ils ont vraiment une profonde ignorance et un grand manque de compréhension quant au texte de la législation. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a interdit de dire ouf à nos parents. Ouf! Ouf! Donc en français, ou les français, ils vont dire pff, les Martiniquais, ils vont faire pff. Ça, il nous a interdit de dire ça à nos français, à nos parents. Et derrière, Allah tabaraka wa ta'ala, il va nous permettre de faire ce qui nous fait sortir de l'islam? Mais non. Et donc, on comprend donc que ce n'est pas toute personne qui aime un incroyant qui sort de l'islam. Al-Bukhari, il cite dans son livre, Al-Adab al-Mufrad, selon Asma bint Abi Bakr, radiallahu anhuma, qui dit que sa mère est venue à Médine la visiter à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a donc interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela. Elle fait asiluha, puis-je donc appliquer les liens de parenté avec elle? C'est ma mère. Le prophète lui a dit non, oui. Et donc là, la personne, lorsque tu vas appliquer les liens de parenté avec donc ta mère, avec ton père, tu vas les aider. Tu vas peut-être faire des courses pour eux, etc., etc. Ibn Uyayna, rahimahullahu ta'ala, il nous dit que cette histoire, donc Hafsa qui a posé cette question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la cause de la révélation de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit « La yanhaakumullahu anil ladhina lam yukatilukum fid din » ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Certes, Allah ne vous interdit pas concernant ceux qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas fait sortir de vos demeures, qui ne vous ont pas chassé de vos demeures. Il ne vous interdit pas d'être bon et juste envers eux. Certes, Allah aime les justes. Et donc, ce n'est pas tout amour pour un incroyant, ce n'est pas toute aide, tout soutien qu'on va accorder à un incroyant qui va nous faire sortir de l'islam. Il se peut même que cela soit recommandé, voire obligatoire. Et donc, comment est-ce que cela peut nous faire sortir de l'islam? Et il y a en cela une réplique donc à ce groupe, les takfiris, qui vont tuer les gens sous prétexte qu'ils sont des incroyants. On voit bien ici qu'ils ont contredit les principes de la législation musulmane. Vous allez me dire, ok Abdelkarim, on a bien compris que, d'accord, ce n'est pas toute personne qui va aider, qui va soutenir, un incroyant qui sort de l'islam. Mais ici, le chapitre, il concerne le fait de soutenir un incroyant contre les musulmans. Et donc, est-ce que celui qui, dans une guerre, il va soutenir les incroyants contre les musulmans, est-ce qu'il sort de l'islam? Est-ce qu'ils sont dans l'islam? La réponse, en fait, il y a en cela plusieurs cas. Cela demande une explication, cela nécessite une explication. Il se peut que la personne sorte de l'islam en faisant ça, et il se peut qu'elle ne sorte pas de l'islam. Al-Bukhari et Muslim, ils ont cité dans leur recueil respectif, selon Ali, le recueil As-Sahihayn, selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui dit Ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ana wa Zubayr wa al-Miqdad ibn al-Aswad. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il m'a envoyé moi, Az-Zubayr, ainsi que Al-Miqdad ibn al-Aswad. Il a dit, in taliqu hatta ta'tu rawdat khar. Il dit, allez-y, jusqu'à ce que vous arriviez à rawdat khar. C'est un endroit entre Médine et Mecca, et qui est beaucoup plus proche donc de la Mecque. Il continue sallallahu alayhi wa sallam en disant fa inna biha dha'ina, car il y a là-bas, il y a un palanquin. Un palanquin, donc c'est vous savez, donc c'est sorte de monture un peu élevée à l'ancienne, et que qui était trainée par des chevaux, ou alors qui était portée par des hommes, et les femmes, elles étaient dedans à l'intérieur. Ce qui est voulu ici, donc, c'est que vous allez trouver une femme dans un palanquin. وَمَعَهَا كِتَابٌ خُذُوهُ مِنْهَا. Vous allez trouver une femme dans un palanquin. Elle a avec elle un écrit. Prenez-le. Alors, il dit Ali radiallahu anhu, فَانْتَلَقْنَا تَعَادَ بِنَا خَيْلُنَا حتى انتهينا الى الروضه. Il dit donc, nous sommes partis et nos montures allaient vite avec nous, avançaient vite avec nous, nos chevaux, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à الروضه, à cet endroit pas loin de la Mecque. فاذا نحن بالضعينة فقلنا اخرج الكتاب. Et c'est alors que nous nous sommes retrouvés donc nez à nez avec cette femme dans son palanquin. Nous avons donc dit, fais sort, donne le livre, donne l'écrit, ou alors montre-le. Alors cette femme, elle a répondu en disant, même Iyamin Kitab, je n'ai aucun livre. Je n'ai aucun livre. Mais eux, ils savent que c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a informé qu'ils allaient trouver ce livre. C'est lui qui leur a dit qu'ils allaient trouver cette femme là-bas. Et c'est lui qui leur a dit qu'elle avait un livre. Alors ils ont répondu en disant, Les tukhrijanna al-kitab, ou les nulqiyanna al-thiyab. Ils ont dit, tu vas sortir le livre, ou alors nous allons faire sortir les vêtements. Nous allons enlever tes vêtements, afin de fouiller jusqu'à ce qu'on récupère le livre. Fa akhrajathu min iqasiha. Et donc, elle l'a fait sortir ce livre de sa Nat, cet écrit, elle l'a fait sortir de ses nattes. Elle l'avait caché là-bas. Fa'atayna bihi Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous sommes venus au prophète, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec ce livre, avec cet écrit. Fa'idha fihi min Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu ila unasin min al-mushrikin min ahli Mekkata yukhbiruhum ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc lorsque nous sommes allés avec cet écrit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est alors qu'il y a dans cet écrit donc ce qu'il contenait, c'était donc un écrit, un message de Hatib ibn Abi Balta' radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il avait écrit un message aux habitants de Quraysh dans lequel il les informait de ce que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu ça, il a dit Ya Hatib, ma hadha. Oh Hatib, qu'est-ce que c'est? Et dans une narration, il dit Ma hamalaka ala dhalik, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Alors il a dit Hatib, Ya Rasulallah, la ta'jal aliyya. Oh messager d'Allah, ne te précipite pas me concernant, ne me juge pas trop vite. إني كنت امرا مسرقا في قريش ولم أكن من أنفسها. Certes, j'étais un homme. Ça, c'est lié à ce qu'on appelle en arabe el-hilf. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont protégés. Ils n'ont pas une grande famille qui peut les protéger parmi les Arabes contre, donc, les autres tribus arabes. Et donc, sa famille à lui va être protégée par une tribu, par une autre tribu. C'est ce qu'on appelle en arabe el-hilf. Et donc il dit, moi j'étais quelqu'un qui était protégé à la Mecque. Je n'avais pas de grande famille. Je n'avais pas une grande famille donc qui puisse me protéger. Je ne faisais pas partie des gens de la Mecque. Wa kana man ma'aka min al-muhajirin lahum qarabatun bi Mecca. Et certes, ceux qui sont avec toi parmi les El-Muhajiroun, ceux qui ont fait l'émigration avec toi, ceux qui sont avec toi, ils ont avec eux là-bas à la Mecque, ils ont leur famille, et c'est avec celle-ci, c'est avec leur famille qu'ils vont protéger leurs biens ainsi que leurs proches là-bas à la Mecque. C'est comme s'il dit, mais moi, qui va protéger mes biens et mes proches à la Mecque? فأحببتُ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. Il dit donc j'ai voulu, vu que je ne peux pas avoir une famille qui me protège chez eux, alors j'ai voulu ici leur rendre un service afin que eux par cela ils protègent ma famille là-bas à la Mecque. Wa ma qultu kufran. Dans une narration, ma qultu kufran. Je ne l'ai pas dit par mes créances. Wala irtidadan, et ce n'est pas non plus par apostasie. Wala ridan bil kufri ba'd al islam. Et je n'ai pas fait cela non plus par acceptation de la mécréance après l'islam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sadaqakum. Il vous a dit la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir écouté donc Hatib qui se défendait, le prophète il a dit donc, il vous a dit la vérité. Alors Omar radiallahu anhu, il a dit ya Rasulallah, da'ni adrib 'unuka hadha al-munafiq. Il a dit ô messager d'Allah, laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répliqué en disant innahu qad shahida badran. Certes, il a participé à la bataille de Badr. Wa man yudrika la'alla Allah an yakuna qad tala'a ala ahli Badr fa qala i'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum. Il dit qui sait ou qui te fait savoir? Certes Allah a su qui a participé à la bataille de Badr. Il a su qui sont ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, faites ce que vous voulez, certes je vous ai pardonné. Faites ce que vous voulez, certes je vous ai pardonné. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous avez pu le constater dans cette histoire, il n'a pas jugé Hatib ibn Abi Balta'a d'apostasie. Et donc la personne qui va tomber dans la même erreur dans laquelle est tombé Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anhu, cette personne ne va pas forcément tomber dans la mécréance. Mais certes, il incombe qu'on demande ce qui a poussé la personne à faire cela. Comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hatib. Il lui a demandé qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela. Et nous ne devons pas nous précipiter à juger les gens de mécréance. Et certes, les Khawarij, ils s'efforcent de chercher des ambiguïtés afin de rejeter ce hadith qui est dans Sahihayn, le plus haut degré d'authenticité des hadiths. Et donc ici, c'est problématique pour eux. Ils ont la croyance, c'est que toute personne qui fait ça, il sort de l'islam. Ce hadith vient répliquer à leur croyance. Est-ce que vous pensez qu'ils s'arrêtent là? Non. Ils vont chercher des interprétations pour rejeter le hadith. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été fait révélation que Hatib a été véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été au courant qu'il y avait une femme là-bas. Il a été au courant que cette femme, elle avait avec elle un écrit. Et ensuite, lorsque Hatib, il a parlé, le prophète, il a dit, Sadaqakum, il vous a dit la vérité. Et donc ici, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su que Hatib, il a dit la vérité? C'est parce que Allah lui a fait la révélation de cela. Et donc les Khawarij, ils disent, mais Taïb, aujourd'hui, quelqu'un fait ça. Il n'y a plus de révélation maintenant. Quelqu'un qui fait ça aujourd'hui, et qui nous dit, non, mais je n'ai pas fait ça par mes créances, etc., etc. Est-ce qu'on va le croire? Si ça se trouve, il ment. Il nous ment. Et donc, toute personne qui fait cela est sortie de l'islam. Selon eux, ça c'est la croyance des Khawarij. Qu'est-ce que les savants ils répondent à cela? Les savants de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils répondent à cela que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur incombe d'œuvrer avec ce qui est apparent. Avec les œuvres apparentes. La personne, elle nous a parlé, elle nous a dit, c'est ça, ça, ça, ça, ça. On œuvre avec ce qu'elle nous dit. On n'œuvre pas, on ne va pas chercher ce qu'il y a dans son cœur. Car on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans son cœur. Rappelez-vous le hadith dans Sahihain de Oussama ibn Zayd, qui était en plein combat, en train de se battre. Et c'est alors qu'il allait donc battre un polythéiste. Et celui-ci a dit « La ilaha illallah ». Alors, Oussama ibn Zayd, il l'a quand même abattu. Ensuite, il a eu un doute, il est allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager qui lui a dit « Est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit « La ilaha illallah ?» Est-ce que tu l'as tué après qu'il a dit « La ilaha illallah ?» Et Oussama, il a dit « Oui, mais il avait peur de mon épée, au messager d'Allah, il avait peur de mon arme. » Alors, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as fou? Est-ce que tu as cherché dans son cœur? Est-ce que tu as ouvert son cœur afin que tu puisses savoir s'il l'a dit pour se protéger de ton arme? Et le prophète n'a cessé de lui répéter cela. Et donc il a fortement blâmé Oussama ibn Zayd radiallahu anhu. Il nous dit quoi? L'imam al-Nawawi rahimahullah, dans son explication de Sahih Muslim, il dit Oussama ibn Zayd radiallahu anhu. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah, il nous dit dans l'explication de Sahih Muslim ce qui est voulu ici. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a blâmé Oussama ibn Zayd en lui disant, est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir si il a dit cela pour se protéger de ton arme? Il dit ce qui est voulu ici, c'est que certes tu n'as été chargé d'œuvrer qu'avec ce qui est apparent. Parmi les œuvres apparentes et ce que prononce la langue, en ce qui concerne le cœur, alors tu n'as aucun moyen de savoir ce qu'il contient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a blâmé le fait qu'il a refusé d'œuvrer avec ce qu'avait prononcé la langue. Et donc ça, c'est la parole de qui? De l'Hafidh al-Nawawi. Et donc c'est ainsi qu'on répond à cette ambiguïté des takfiriyoun. Ils ne peuvent pas ainsi rejeter ce hadith en nous disant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait révélation et pas à nous. On va dire, nous, on doit œuvrer avec ce qui est apparent, c'est tout. Mais les takfiriyoun ne s'arrêtent pas là. Ils ne s'arrêtent pas là comme les autres parmi les gens de la passion et de l'innovation. Ils vont avoir une croyance et après avoir eu cette croyance, ils vont chercher des preuves qui vont appuyer cette croyance. Et ils vont rejeter toutes les preuves qui contredisent leur croyance. Ça, c'est un principe chez tous les innovateurs. Ahl Sunnati wal Jama'a, ils vont d'abord regarder les preuves. Donc les gens de la Sunna, quant à eux, ils vont d'abord regarder les preuves. Et ensuite, à partir des preuves, ils vont avoir leur croyance. Mais les gens du faux, c'est le contraire. Ils vont d'abord établir une croyance et ensuite, non, on reste ferme sur ça. C'est tout. Tu viens avec toutes les preuves que tu veux, ils ne veulent pas. C'est pour ça que même avec cette explication, ils ont encore cherché à rejeter ce hadith. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent des Khawarij? Donc pour finir, ils nous disent que Hatib, il n'a pas mécru, il n'est pas sorti de l'islam, car il a participé à la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Omar, certes il a participé à la bataille de Badr, et Allah tabaraka wa ta'ala a su qui a participé à cette bataille, il a dit, faites ce que vous voulez, certes je vous ai pardonné. Et donc les takfiriyoun nous dit ici Hatib il a été pardonné, mais une personne qui fait la même chose que Hatib n'est pas pardonnée, elle sort de l'islam. Elle sort de l'islam. Et donc la réponse à cela, elle est simple. Et c'est avec ce sujet-là qu'on va clôturer, inshallah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui rejette la foi, celui qui rejette la foi, alors ses œuvres seront rendues vaines et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit aussi, وَمَنْ يَرْتَدِنْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Celui d'entre vous qui apostasie de sa religion et qui meurt en étant un incroyant, alors ceux-là, leurs œuvres seront rendues vaines, ici-bas et dans l'au-delà, et ceux-là seront les gens du feu dans lequel ils resteront éternellement. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre ici que celui qui tombe dans une mécréance majeure et qui ne se repent pas, alors ses actes deviennent vains. Ses actes deviennent vains et il fait partie des gens du feu. Et cette parole, elle est générale pour tous, même celui qui a participé à Badr. Celui qui a participé à la bataille de Badr, si ensuite il fait un acte de mécréance majeure qui fait sortir de l'islam, si celui-ci ne se repent pas, alors ses œuvres deviennent vaines. Même la bataille de Badr fait partie de ses œuvres. Ses œuvres deviennent vaines et il fait partie des perdants. Et il fera alors partie des perdants. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète, attention, là on ne parle plus de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. On ne parle plus des compagnons là maintenant. On parle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit quoi concernant son messager? Il lui dit la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Si tu fais du polythéisme, tes œuvres deviendront vaines et tu feras partie des perdants. Allah il l'a dit à qui? Il l'a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il a un rang au-dessus, bien au-dessus de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Et donc, est-ce que si un des compagnons qui a participé à la bataille de Badr, s'il fait du polythéisme majeur, est-ce qu'on va dire non, il a participé à la bataille de Badr? Non. Et donc, ce qui est voulu par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à Omar, que Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit « I'amelu mashi'tum faqad ghafartu lakum » Faites ce que vous voulez, donc concernant les gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Ce qui est voulu ici, c'est faites ce que vous voulez de ce qui est en dessous de la mécréance majeure. Certes, je vous ai pardonné. Certes, je vous ai pardonné. Car Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas le polythéisme qui fait partie de la mécréance. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé, mais il pardonne en dehors de cela pour qui il veut. Et donc, en conclusion, quelle est l'alliance qui fait sortir de l'islam? Quelle alliance avec un incroyant peut faire l'individu sortir de l'islam? La réponse, elle est dans le même hadith de Hatib. Hatib, lorsqu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma kultuhu kufran, wala irtidadan, wala ridan bil kufri ba'd al-islam. Il a dit, je n'ai pas dit cela par mécréance, ni apostasie, ni par satisfaction de la mécréance après l'islam. Et donc, on comprend de cela, comme ont dit les savants, rahimahumullah, que l'alliance qui fait sortir de l'islam, c'est l'alliance qui est faite pour la religion des incroyants. C'est-à-dire, la personne va aimer les incroyants pour leur religion. Tu vas aimer cet individu parce qu'il est chrétien, parce qu'il est juif, etc. Parce que tu aimes sa chrétienté, parce que tu aimes son judaïsme, etc. Parce que tu aimes telle et telle religion, tu vas les secourir pour la religion. C'est cette alliance qui fait sortir de l'islam. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On comprend bien que ce sujet est un sujet très important. Beaucoup de personnes se sont égarées sur ce sujet, comme d'habitude, entre exagérateurs et laxistes. Donc des exagérateurs qui ont taxé des gens de mécréance et qui se permettent de tuer et de propager le sang, de faire couler le sang injustement. Et on a aussi le laxisme, donc ceux qui se permettent donc de tout faire aussi pour faire croire aux musulmans qu'il n'y a pas d'annulatif, que non, tant que tu es croyant, tant que tu dis « Alhamdoulilah », tu ne sors pas de l'islam, etc., etc. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable. Il est important qu'on apprenne notre religion. Car rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Mais se peut donc qu'un homme se retrouve au matin, à l'aube, croyant, et au soir, incroyant, et inversement. » Et donc il y a beaucoup d'ambiguïté pour que les personnes quittent leur religion, sortent de l'islam, notamment à notre époque, avec les moyens de communication. Il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre pour nous éloigner de notre religion et nous éloigner de la pratique correcte de notre religion. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la clairvoyance, il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا